Yo, my name is Shinwax. DJ Shinwax. Natox. Letox. Buffet wall girl, why no pon zoom zoom? Yaki tall and no kaila ni boom boom. Poche ko fesa bad fesa doom doom. Me an denzol ki bad kafe boom boom. Natox si fe chin wax kafe that moon. Bas la lou I pi kazi yon kukun. Fouye fes moun se pa ni pon kautun. Mou kompwen se te black mi an big tune. Wine up, kale sa be pop. Me se ko man pa bouza pa le top. Wine up, fia ke sou le fop. Baby, baby girl, veni fote an le kop. Wine up, pisse ba brune sa mati sa. Kale mwen en mode anaconda. Wine up, sou le gal tu ba kit up. Baby, baby girl, suye bon da wole kok la. Wine up, si ton pa di kop. Et le big big, et pa le bon dot. Don't stop, baby you so hot. Et dis mwen kon sa se mwen il est pou fok. Ki ou fat, ki ou fin. Man ki bao li si ou pe pa digin. Negres couli ou bien un bel chabine. Gal te joli, montre moi te coquine. Wine up, kale sa bien pop. Bese ko man pa bouza pa le top. Wine up, fia ke sou le fop. Baby girl veni fote en le kop. Wine up, pisse ba brune sa mati sa. Gal mwen en mode anaconda. Wine up, sou le gal tu ba kit up. Baby girl suye bon da wole kok la. Kale sa bien pop. Calme en mode anaconda. Wine up, fia que sous le faux. Baby girl suye bon da wole kok la. Pisse ba brune sa. Pisse ko man pa bouza pa le top. Kale sa bien pop. Sous le gal tu ba kit up. Baby girl veni fote en le kok.